shift and take one ride. With you. How I used to hoop off in them tournaments. With you. How I used to club hop on weekends. With you. Your family called the morning of a tragic end. Damn, my condolences. I wish that I could hold you now. Oh, I wish that I could touch you now. Oh, I wish that I could talk to you. Be with you somehow. My head be telling me to come to church. Said the Lord is the only way for you to stop the hurt. Dreaming of windows black tinted like a hearse. And waking up to life sometimes seems worse. And all I ever wanted is to be a better man. And I try to keep it real with my homies, man. Want me to save the world, I don't understand. How did I become the leader of a billion fans? Oh, I can't believe my ears and what everybody's saying. Boy, I tell you, folks don't know the half. I would give it all up just to take one ride. How I used to street perform on Fridays. And how I'd go to church on Easter Sunday. Instead of y'all throwing them stones at me, somebody pray for me. Oh, I wish that I could hold you now. Oh, I wish that I could touch you now. Oh, to you. Restaurant parce qu'elle portait un voile. Le patron de l'établissement a refusé de les servir. L'affaire est entre les mains de la justice. La campagne pour la présidentielle de plus en plus musclée. François Fillon sort l'artillerie lourde contre Nicolas Sarkozy. Alors qu'à gauche, la rentrée se fait en ordre dispersé pour les socialistes. Dans ce journal, nous irons en Italie. Les sinistrés du séisme s'inquiètent. 2500 personnes n'ont plus de toit. Et elles redoutent l'hiver qui arrive très tôt dans cette région de montagne. France Info. Et vous l'entendez, il y a du changement dans la radio ce matin. Oui, France Info a une nouvelle musique. Dans notre jargon, on appelle ça un nouvel habillage. Il a été composé cet été par Jean-Michel Jarre, l'homme aux 80 millions de disques vendus et aux concerts gigantesques. Un artiste habitué des défis, mais ça, il n'avait encore jamais fait écrire la musique de France Info, à la fois pour la radio que vous connaissez et pour France Info, la télévision, que vous allez connaître très bientôt. Elle débute jeudi soir sur le canal 27. C'était un petit peu comme faire la musique d'un film, mais d'un film que les gens vont vivre jour après jour. Il fallait résoudre plusieurs équations. D'abord, le fait que cette musique puisse convenir aussi bien à la télévision qu'à la radio, parce que ce sont quand même, comme on le sait tous, des choses différentes, et aussi sur les réseaux sociaux. J'ai réfléchi beaucoup sur qu'est-ce que doit être la musique aujourd'hui qui accompagne l'information. On se rend bien compte que l'information aujourd'hui a trop souvent un côté anxiogène. La période dans laquelle on se trouve est effectivement particulièrement difficile, particulièrement traumatisante. Et je pense que ce serait un pléonasme que la musique vienne en rajouter, si j'ose dire. Un nouvel habillage, une nouvelle grille aussi. Vous habituerez, nous aussi d'ailleurs. Voilà, vous allez la découvrir petit à petit avec de nouveaux rendez-vous, d'autres qui ont changé d'horaire, de nouvelles voix également. Bref, plein de nouveautés sur France Info en cette rentrée. Voilà, ça s'appelle la rentrée. Il est 8h02 sur France Info. Une bombe a explosé cette nuit à Bruxelles. Devant l'entrée de l'Institut National de Criminologie Belge, le bâtiment abrite notamment les locaux de la police scientifique. Il était 2h30 du matin. L'explosion a été suivie d'un incendie. Cette explosion n'a pas fait de blessés. Aucune information pour le moment sur le ou les personnes qui ont posé cette bombe. Le maire de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, compte saisir la justice après ce qui s'est passé dans sa ville samedi soir. Un restaurateur a chassé deux femmes de son établissement. Il a refusé de les servir parce qu'elles étaient voilées. La scène a été en partie filmée par l'une des deux femmes. La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et on entend le patron dire que tous les musulmans sont terroristes. L'homme s'est excusé. Hier, j'ai pété un plomb. J'ai un ami qui est mort au Bataclan et j'ai tout mélangé. Ce que j'ai dit, je ne le pense absolument pas. Le parquet de Bobigny a quand même ouvert une enquête pour discrimination à caractère racial. Maureen Suignard est allée rencontrer des fidèles de la mosquée de Tremblay. Devant plus d'une centaine de fidèles, le président du collectif contre l'islamophobie en France a prononcé un discours d'apaisement. L'affaire a en effet suscité l'émoi de la communauté musulmane de la ville. Mohamed est un fidèle. Effectivement, ça nous touche. Pas parce qu'ils font partie de notre communauté, parce que pour nous, c'est une forme d'agression. On a un cœur. Fatia est aussi visiblement très touchée par cette affaire. Évidemment, quand on refuse de servir deux personnes dans un restaurant parce qu'elles sont musulmanes, c'est de la discrimination, c'est de l'islamophobie, c'est du racisme, c'est tout ce que vous voulez. C'est un délit. Ça aurait pu être moi. Je sors beaucoup au restaurant, je vais au cinéma, je vais au restaurant, je vais au théâtre. Si demain je rentre dans un restaurant et on me somme de sortir avec mes enfants de ce restaurant, évidemment que je serai émue. Marwan Mohamed, le président du CCIF, condamne les propos du restaurateur, mais il pointe avant tout du doigt les discours des hommes et des femmes politiques. Les gens ne se réveillent pas le matin en considérant que leurs voisins ou leurs voisines musulmanes sont des problèmes. Il y a une série de discours qui alimentent ces stéréotypes. Les polémiques autour du burkini, des cantines halal, des jupes, du foulard vont crescendo au fur et à mesure dans le pays et ça crée des situations de très vives tensions qui aboutissent à des incidents comme celui-ci. L'ambiance est vraiment irrespirable. Le CCIF s'est engagé à aider les deux femmes du restaurant à préparer leur défense. Un reportage de Maureen Suignard. La campagne présidentielle à droite vire au petit meurtre entre amis. François Fillon attaque Nicolas Sarkozy, qui attaque Alain Juppé, qui contre-attaque mais qui se fait tacler aussi par Bruno Le Maire. Bref, les candidats ont multiplié les phrases assassines ce week-end et à ce petit jeu-là, c'est François Fillon qui s'est montré le plus virulent. Il a étrillé Nicolas Sarkozy sans jamais le nommer. Il lui reproche notamment ses démêlés judiciaires. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen, se demande François Fillon. Et il ajoute qu'il n'a pas l'intention de participer au concours l'épine des solutions les plus stupides et les plus imbéciles censées lutter contre le terrorisme. À gauche aussi, chaque camp fourbit ses armes. Après Arnaud Montebourg il y a une semaine et Benoît Hamon ce week-end, ce sont les soutiens de François Hollande qui font leur rentrée aujourd'hui. Un meeting est organisé ce soir à Colomiers, près de Toulouse. Et en cette période où les socialistes se déchire. Le thème choisi pour cette réunion se veut le plus consensuel possible, Louise Baudet. L'essentiel, c'est la République. Sur le papier, difficile de faire plus rassembleur comme un antidote à l'éparpillement de la gauche façon puzzle en cette rentrée préélectorale. Une douzaine de ministres annonçaient le pack gouvernemental rassemblé. On aurait pu raconter cette histoire-là s'il n'y avait le contexte, la menace terroriste, des thématiques identitaires qui s'imposent à 8 mois de la présidentielle, au point que François Hollande y consacrera un discours le 8 septembre prochain et cette affaire de burkini qui sème la division au sein du gouvernement. Manuel Valls a annoncé la couleur, l'annulation des arrêtés anti Burkini n'épuise pas le débat. Pas question de lâcher une once de terrain dans le combat contre l'islam radical consubstantiel à son identité politique. Alors un proche du Premier ministre promet qu'il va ce soir donner des gages à ses détracteurs, exalter les promesses de la République plutôt que pourfendre le burkini. Deux ministres l'écouteront en tout cas avec attention, Najat Vallaud-Belkacem et Marisol Touraine ouvertement en désaccord avec lui. Les éleveurs ne bloquent plus le siège de Lactalis, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils veulent relancer la mobilisation et l'étendre cette fois à tout le pays. Les syndicats qui soutiennent ce mouvement vont en discuter ce midi. Ils comptent bien pousser Lactalis à reprendre les négociations sur le prix du lait. Voilà, et on en parlera bien sûr tout à l'heure à partir de 8h30 avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui est l'invité de la nouvelle émission politique de France Info entre 8h30 et 9h, Mathilde. Il est interdit de se rendre dans les forêts du Vaucluse aujourd'hui. Décision de la préfecture en raison du fort risque d'incendie. Cette alerte ne pourrait durer qu'une journée car des pluies sont attendues demain. Vigilance aussi en Corse où le vent soufflera fort. France Info, il est 8h presque 7, la terre continue de trembler dans le centre de l'Italie. Plus de 1500 répliques enregistrées en 5 jours. Le dernier bilan du séisme frôle les 300 morts, comme à L'Aquila en 2009. Mathilde Imberti, vous êtes la correspondante de France Info en Italie. Vous êtes en direct de l'une des communes les plus touchées, à Amatrice. Et la priorité désormais, ce n'est plus de rechercher d'éventuels survivants sous les décombres, mais de s'occuper des sinistrés. Oui, absolument. Des sinistrés qui viennent de passer leur cinquième nuit sous les tentes ou dans des gymnases. Des structures provisoires montées pour plus de 2500 personnes qui n'ont pas pu ou pas voulu quitter la région sismique. Le gouvernement italien assure ce matin que d'ici un mois, les rescapés seront hébergés dans de meilleures conditions. Il y a urgence car l'hiver va vite arriver. Les premières neiges peuvent tomber ici dès la fin septembre. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Les rescapés qui vivent dans la douleur de ne pas pouvoir accéder à leur maison, placés en zone rouge, dans la peur aussi à chaque nouvelle réplique. Vous l'avez dit, hier encore, une réplique à 3,7 a fait trembler le sol à Amatrice, la commune la plus meurtrie. Les plus hautes autorités italiennes se sont déplacées sur les zones touchées, promettant de ne pas abandonner ces miraculés montagnards à leur sort. Et le pape François, à son tour, a annoncé qu'il souhaitait se rendre lui aussi sur les lieux du séisme. Mathilde Imberti, envoyée spéciale de France Info à Amatrice en Italie. Une partie de l'aéroport de Los Angeles est fermée ce matin. Les passagers ont rapidement évacué deux terminaux. Certains ont raconté avoir entendu des bruits sourds. La police est sur place et précise qu'aucun coup de feu n'a été tiré. L'invincibilité du PSG n'a pas duré longtemps cette saison. Paris a perdu dès son troisième match de championnat, battu 3-1 par Monaco hier soir. Enfin, le dernier grand rendez-vous de l'année en tennis, l'US Open débute cet après-midi. Les tenants du titre sont Novak Djokovic et Flavia Pennetta. Mathilde Munoz, merci beaucoup. 8h presque 9. Sophie Briat, tiens, le soleil est sur le sud-est et sur la Bretagne aujourd'hui. Et les nuages des côtes landaises, aux Ardennes et sur les Pyrénées, le Rhône et la Franche-Comté. Ce temps chargé va se dissiper au fil des heures et laisser place à un ciel beaucoup plus clair. Les températures ce matin de 15 à 23 et cet après-midi de 21 à 34 degrés. Et on voit ça donc dans le détail. Ce sera juste avant 8h30. Merci Sophie. Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Si les nuages peuvent encore par un moment déborder vers le sud et l'est, ce n'est pas le cas plus à l'ouest de Sainte-Marie à Saint-Louis en passant par le port. Le temps est ensoleillé, il fait toujours aussi beau dans les cirques. Et dans le courant de l'après-midi, les nuages seront dans le nord-ouest, idem dans le sud, sauvage et au volcan. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Sur l'hippodrome de Vincennes, aujourd'hui dans la première course pour le prix de Mortain et pour un montant de 4 350 000 euros, voici les pronostics de Pascal Maillot. Vous avez le 9, le 15, le 11, 14, 16, l'As, le 7 et le 4 et en non partant le 13, 9, 15, 11... 14, 16, l'As, 7 et le 4 et en non partant le 13. Hier, dans la quatrième, pour le prix Hôtel de Barrière, il fallait trouver le 3, le 9, le 6, le 12 et l'As. 3, 9, 6, 12 et l'As. Nos experts de ce lundi 29 août, des experts du code de la route et du permis de conduire. Vous êtes en attente d'une place pour passer l'examen de conduite. Quelles sont les questions que vous aimeriez poser? Surtout à notre directeur d'auto-école, il est aussi moniteur, également présent, un avocat du permis de conduire. Oui, c'est dans le cas où vous souhaiteriez contester une contravention, les démarches à faire, comment se passe un stage de récupération de points. Et puis avec nous également un expert en gestion des risques. L'équipe est là pour répondre à toutes les questions au standard de la première, 02 62 99 2000. Vous avez aussi la possibilité de réagir par SMS au 06 92 70 2000. Préparez vos petites questions, les experts s'occupent de tout. Donc jusqu'à 11h30 sur la première. Leïla Negro. Nana, trois bonhommes. Le premier y arrive en l'air. Peut-être, mais vous allez. Pourquoi elle est là, m'y connaît pite, m'y aime à elle, faut m'y suivre. Mais regarde devant, ça y suffit. Gauche, droite, elle y décide. Petit homme indécis, forme là, il clairement vit. Mais fais rien, pas mi fatigue, masse pas jusqu'à nuit. Faire du sport, jusque-là, je l'adore. Mais si elle dit je t'aime encore, mais va croire ça, c'est mort. là nous n'est pas pressé, à soi nous va arriver. Je peux bien l'attraper, mais rien lui demander. Même au lit. Wouhou. Le reste, il s'en occupe. Elle a choisi la route. C'est bon d'être amoureux, mais tout seul, il serait mieux. Il l'épouse au prochain tournant, lui fait à elle un tas d'enfants. Leda Negro sur la première. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. Il est 10h15 sur la première. Les experts sont avec nous sur Réunion Première. Pour toutes les questions, vous réagissez au 02 62 99 2000. Richard Barret, expert en gestion des risques. Bonjour Richard Barret. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Éric Marcelli, directeur d'auto-école. Bonjour. Bonjour. Et puis, on patiente jusqu'à l'arrivée de Maître Comelandivier, avocat du permis de conduire. Vos réactions, vos questions au 02 62 99 2000. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Allez, messieurs, donc, tenez, les démarches à faire pour passer son code et son permis de conduire, Éric Marcelli. Les gens se posent beaucoup de questions. Quelles sont les démarches? Quelles sont les démarches? Ben, déjà, c'est d'aller voir une auto-école. Tout simplement. Oui. D'accord, ben, après avoir fourni les différentes pièces justificatives, que ce soit attestation de domicile, photo pour le permis de conduire, pièce d'identité, la SSR. Un ou deux. D'accord. Ouais. Et puis, après, on s'inscrit. Puis, suivant l'auto-école, ben, les tarifs sont différents. Voilà, alors ça, c'est une question qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. Combien ça coûte pour passer son permis de conduire? Ben, il faut savoir qu'on est quand même une entreprise privée. Donc, les tarifs sont libres. Les prix sont libres. Les prix sont libres. D'une auto-école à l'autre, ça peut varier. Exactement. Le moins cher n'est pas forcément le meilleur. Et c'est vrai aussi que le plus cher n'est pas forcément le meilleur. Donc, il faut trouver, bien sûr, il y a le bouche à oreille qui marche beaucoup. Hein. Et après, il y a plein de conditions qui vont entrer en jeu. La personne, l'auto-école, où elle est située. Le centre d'examen aussi, parce que suivant si on est situé à Saint-Denis ou à Saint-Paul, l'heure de passage qui va compter aussi. La circulation, tout ça à faire en sorte pour que la réussite d'un candidat au permis de conduire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est jugé par un humain, par un inspecteur du permis de conduire, que lui aussi a ses états d'âme. Alors, un mot sur les forfaits, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, c'est la question de Mireille par SMS qui demande justement le forfait. Est-ce qu'il est, on peut prendre autre chose que le forfait pour les cours, pour le code, pour le permis de conduire? Dans mon établissement, les élèves ont le choix. On a le choix dans mon établissement. Après, comme je l'ai dit, on est des organismes privés. Eh ben, chacun amène son bateau comme il veut. Hein. Moi, il y a la rame, il y a le vent, il y a le moteur. Hein. Donc le choix de, c'est à eux de faire leur choix. Il faut toujours aussi patienter aussi longtemps pour avoir une place pour passer l'examen de code ou du permis de conduire. Ah, le code. Ou alors ça... Le code a changé. Le code a changé. Pour l'examen, le code a changé. Dites-nous alors, s'il vous plaît. Ça a été privatisé depuis chez nous, depuis le 1er juillet, me semble bien. Et il y a trois organismes. Normalement, il y a trois organismes. C'est à La Réunion, il n'y en a qu'un. C'est une société privée qui présente les candidats à l'examen. Et du mardi au samedi, sur la métropole, il y a trois sociétés, dont La Poste et une société anglaise aussi en plus, qui a eu son agrément dernièrement, qui, elle, pratique déjà la privatisation pour le code et la conduite. Donc, elle a un savoir-faire d'une quinzaine d'années environ. Et je ne m'étonne pas, dans quelques années, que ça va arriver aussi sur le territoire français. Nous, La Poste devrait arriver en fin d'année. Donc, ça, aujourd'hui... Par semaine, on a environ 1200 places d'examen pour le code. 1200 places. Ah, c'est bien, hein. C'est bien. Ça, c'est magnifique. Et par contre, ça, c'est pour le code. Hein. C'est pour le D'accord, code, pour ouais. la théorie et pour la conduite. Ben, on a toujours à peu près le même nombre de présentations par jour. C'est là que ça traîne la patte, quoi. Richard Barré, expert en gestion des risques, c'est que du bonheur pour les élèves. Hein. Tout à fait. Donc il y a des, il y a quand même pas libérer, mal. On arrive à libérer des places. Donc. Voilà, donc il y a pas mal d'améliorations. Bon, concernant l'entreprise anglaise, comme vient de dire Eric Marcelli à l'instant, faut savoir que l'Angleterre a quitté l'Europe, donc on risque d'avoir quelques petites complications par la suite. Hein. Voilà. Maître Comme-Landivier, avocat du permis de conduire, bonjour, merci bonjour, d'être avec nous. Bonjour les auditeurs. Si vous avez perdu des points ce week-end, c'est l'homme de la situation, donc il va vous expliquer les démarches à faire pour contester la contravention. Et puis, si vous devez aussi passer prochainement votre examen de conduite, si vous souhaitez en savoir un peu plus, faites appel à nos experts. Alors, un avocat du permis de conduire, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Comme-Landivier, votre travail consiste vraiment à aller jusqu'au bout, comme ça, à accompagner celui qui a perdu des points sur le permis. Oui, alors justement, c'est souvent aussi l'automobiliste qui se trouve, lui, au bout de sa vie. Hein. C'est l'expression souvent qui est utilisée pour dire on n'en peut plus, on a perdu des points ou parfois le permis. Donc là, ce qui vient d'être dit par Eric Marcelli. C'est très intéressant puisqu'on nous dit que maintenant il y a 1200 places par semaine pour repasser son code. Alors pour les gens qui ont perdu leur permis, sachez qu'à partir de la 48SI, c'est-à-dire la réception de la lettre qui vous notifie l'invalidité de votre permis, ils ont le plus souvent, on en reparlera tout à l'heure selon les particularités, mais ils ont le plus souvent 6 mois à compter duquel ils ne peuvent plus le passer permis. Mais dès lors que ces 6 mois sont écoulés, ils n'ont à repasser que le code. Et cette information-là est très intéressante puisque ça va leur permettre, donc, une fois que les modalités et toutes les formalités sont faites, de repasser leur code, je dis bien que le code, très rapidement. Oui. Oui, pour répondre à votre première question, là, pour le coup, à quoi ça sert un avocat du permis de conduire. Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. C'est lorsqu'on est appelé devant la justice à la suite d'une infraction qui est supposée et sur laquelle on peut se défendre, que ce soit une contravention de première classe, des stationnements, jusqu'au délit le plus grave. Bien entendu, un avocat est là pour vous défendre et pour vous assister. Et secondement, c'est pour tout ce qui est le côté administratif cette fois, c'est-à-dire la récupération des points et du permis, comme je l'ai dit. Il y a toujours des possibilités, même lorsqu'on le reçoit à la 48SI, de retrouver son permis sous quelques mois, quelques semaines. Alors, vous avez une question de Tatiana qui nous dit, notamment sur la page Facebook, comment faire pour récupérer un permis que l'on aurait perdu ? Vous savez, vous perdu perdez... comment ? Elle a perdu son permis de conduire. Ouais. Bah, je vais laisser l'avocat de répondre. Alors, il y a plusieurs techniques. Ce qu'il faut étudier en premier lieu et dans le détail, c'est ce qu'on appelle le relevé d'information intégrale. Qu'est-ce que c'est ? Je le répète, c'est l'historique du permis de conduire, depuis l'obtention jusqu'à ce jour. Donc, c'est un élément important puisqu'il retrace absolument toutes les infractions qui vous ont fait perdre des points depuis lors. C'est à partir de ce document-là que l'avocat spécialisé va pouvoir faire un diagnostic, entre guillemets, et établir si oui ou non il y a des possibilités de récupérer un permis. C'est très intéressant comme méthode, plutôt que de repasser son permis directement sans se poser la question pourquoi, parce que ça va nous permettre, nous, de récupérer un permis à 12 points, un capital possible de 12 points et non pas de 6 points. Parce que la différence, évidemment, la grande différence aujourd'hui, c'est que lorsqu'on repasse le permis à la suite d'une invalidation, c'est qu'on se retrouve avec un permis dit probatoire qui n'a au départ, durant les deux premières années, que 6 points. 0,2. Voilà, pendant la première année, pardon, de 6 points au lieu de 12 points. D'accord. 02 62 99 2000, les experts du code de la route et du permis de conduire sont à votre écoute, évidemment, sur la première. Vous composez le numéro de téléphone et puis vous pouvez réagir par SMS au 06 92 70 2000. Follow me tonight, when the rest of the world, with whom I've crossed and I've quarreled, laisse-toi tomber pour mieux renaître et être aimé. Tu cherches l'histoire à sauver sans plus chercher à t'excuser. Beneath the silver moon. Enrique Iglesias sur Réunion Première. Éric Marcelli, comme Landivier, Richard Barret, les experts du code de la route et du permis de conduire. Il y a notamment notre auditrice qui nous demande, nous dit surtout que sa fille a 16 ans. Et doit-elle commencer à apprendre dans le livre de code avant de s'inscrire à l'aube de ses 18 ans, Richard Barret? Oui, de toute manière, il est très intéressant quand même d'apprendre d'abord dans le livre de code, parce que dans le livre de code, vous avez aussi bien les panneaux que les différentes situations. Maintenant, on parle de famille avec le nouveau code et non plus de thème, de famille de code de la route. Par exemple, la position sur la chaussée, les vitesses, l'alcool, etc. Donc, il est très intéressant quand même de se renseigner un petit peu avant, de façon à ce que le cerveau fasse son cheminement avant de commencer une formation de but en blanc, ce qui pourrait être un petit peu plus complexe. Vous avez aussi la possibilité d'avoir sur Internet différents sites qui vous permettent d'y arriver plus facilement. Donc oui, bien entendu. Karine est avec nous. Karine de Saint-André. Bonjour Karine. Bonjour à tout le monde. Merci Bonjour. D'être là. Vous avez une question pour nos experts. Oui, alors j'ai une question. C'est une contestation de PV. Donc on a eu au mois de juillet de cette année. Et donc il s'avère que en fait, on se gare sur un trottoir qui n'en est pas un, selon les constatations de la police nationale. Il s'avère que notre lieu de travail est juste en face. Donc, on a contesté le PV. Alors, comment faire? Et j'aimerais avoir plus de renseignements sur la démarche suivre. La démarche à suivre. Ouais. Et ça remonte à quand, cette contravention? Alors, au mois de juillet. Donc, on a fait la contestation qui va durer un mois, d'après ce qu'on nous a dit. Le délai, c'est de 45 jours, comme l'an dernier, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Vous avez déjà adressé votre contestation, c'est ce que vous disiez? Oui, voilà. Oui. Quel est le motif? Qu'est-ce que vous avez indiqué? Alors, selon les dires de la police nationale qui est venue eux-mêmes constater, en fait, ce qu'on on a demandé, en fait, comme ils venaient à côté de notre lieu de travail, donc on leur a posé la question, et ils nous disent que c'est pas un trottoir, en fait, que les poussettes, les fauteuils roulants peuvent passer. Et en face de chez nous, notre entreprise, il y a un trottoir, en fait. C'est bien stipulé que c'est un trottoir. Enfin, c'est assez ambigu, quoi. D'accord. Et donc, comme notre lieu de travail est juste en face, et comme il n'y a pas de parking, donc c'est une rue très passante, et donc, voilà, quoi, on n'a pas le choix de se garer là, quoi. Comme l'on dit. Enfin, c'est un emplacement qui... Sur le positionnement, oui. Alors déjà pour le positionnement, comme vous dites, ce n'est pas un trottoir. C'est un trottoir pour certains, ce n'est pas un trottoir pour d'autres. Vous avez un arrêté municipal qui va le stipuler. Donc déjà, il faut quand même le cadrer sur le plan arrêté municipal, juridique, pour pouvoir savoir si c'est véritablement un trottoir ou pas. Et en fonction de cela, je pense que Maître Comme-Landivier sera bien plus à même que moi après pour donner des informations là-dessus. Vous allez pouvoir faire votre contestation. Mais il faut d'abord savoir où vous en êtes, si c'est vraiment ou pas un trottoir. D'accord, donc il faut en être sûr, c'est ça? Tout à fait. D'accord, mais la contestation a déjà été faite. Oui, alors vous avez déjà entamé les démarches, oui, c'est ça? Effectivement, alors. Donc il y a un mois d'attente, c'est ce qu'on nous a dit, donc il n'y aura pas de majoration pendant les un mois, donc voilà, quoi, le temps de traiter le dossier. Voilà. Ce qui est sûr, effectivement, comme vous le dites, c'est que dès lors que votre requête en exonération est tenue pour recevable par l'officier du ministère public, c'est-à-dire l'organisme à qui vous l'avez adressé, vous n'avez pas à être majoré. Donc, si vous recevez quelque type de majoration que ce soit, un avis de contravention majoré ou tout autre document disant que vous allez être recouvré de la somme de temps par le Trésor public, vous leur adressez immédiatement un recommandé en disant que, de toute façon, vous avez envoyé une requête en exonération dans les formes et les délais légaux. Donc, effectivement, la suite de cela, on disait tout à l'heure, il faut effectivement prouver que ce n'est pas un trottoir. Le mieux, c'est d'aller effectivement à la mairie et d'aller voir si un arrêté municipal a été pris dans ce sens ou dans un autre, afin d'en être sûr. Vous pouvez, à tout moment de la procédure, verser précisément à la procédure un document qui attestera de la réalité juridique de cet emplacement, s'il s'agit d'un trottoir ou non. Donc, très probablement, ça va se passer devant la juridiction de proximité. Une fois que vous serez cité à comparaître devant celle-ci, vous pourrez verser des nouveaux documents jusqu'à ce que le juge ait statué sur la situation. D'accord. Est-ce que la mairie a sa part de responsabilité suite au manquement de place de parking dans une rue passante aussi? J'aimerais savoir... Pardon? Est-ce que la mairie a une part de responsabilité? Est-ce que la mairie a une part de responsabilité? J'aimerais savoir si la mairie, justement, a une part de responsabilité par rapport aux entreprises qui se situent là et qui... parking. J'imagine mal le schéma de la responsabilité là, dans ce schéma-là, mais on peut tout imaginer. Quoi qu'il en soit, il revient, si vous voulez, à la municipalité de de prévoir ou non des places de stationnement sur telle zone géographique de la ville. Je vois pas en quoi elle pourrait être responsable de votre contravention. Enfin, si je comprends bien votre question, c'est par rapport à votre contravention qu'elle serait éventuellement responsable. Oui, parce que oui, en termes d'entreprise où on est situé, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas de place pour se garer dans cette rue passante, quoi. Donc voilà, d'où ma question. Est-ce que la mairie était responsable? De ce point de vue-là, absolument pas. Vous n'avez que, entre guillemets, la possibilité de vous défendre pour être relaxé de cette contravention. Okay. Mais alors, quelles sont les chances de Karine, maître Comme-Landivier? Bah, elles sont pas mauvaises, parce que déjà, elle a quand même des attestations, si j'ai bien compris, de la police nationale. Voilà, d'agents de la police municipale. Nationale ou municipale? Nationale. Bon, c'est une chose, ce n'est absolument pas ridicule, donc c'est un argument sérieux, qui va pouvoir, en tout cas, mettre un doute à la place du juge. Maintenant, il faudra, comme l'a dit Richard Barré, apporter au jour de l'audience, non plus des attestations, mais les preuves de ce que le trottoir sur lequel vous étiez garé n'est justement pas un trottoir au sens juridique. Et à ce moment-là, la relaxe est absolument certaine. D'accord. Ok, très bien. Bah, je vous remercie pour les renseignements. Merci à vous, Karine. Bonne journée. Oui, attendez, oui. Rappelons qu'effectivement, c'est une contravention aujourd'hui qui est sévèrement réprimée, hein, puisque c'est 135 euros que vous avez dû avoir. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des stationnements très gênants. C'est depuis le 1er juillet 2015 que le législateur a prévu ce type de contravention. D'accord. Ok. Merci Karine. Merci, alors, toujours sur la contestation de la contravention, Laurent qui nous dit « Mais si on a tort, tu paies plein pot », nous dit Laurent. « Je viens d'en faire les frais, 375 euros pour un stationnement gênant. En plus, si tu contestes en ligne, mieux vaut contacter le tribunal de police. Il n'y a pas de communication entre eux. » Ça arrive ça, Comme-Landivier, avocat du permis de conduire? Oui, moi je constate qu'il y a malheureusement encore trop souvent des bugs entre... en tout cas une mauvaise information entre l'officier du ministère public qui reçoit la requête en exonération et le trésor public qui lui édite de manière automatique et beaucoup trop automatique à mon goût les amendes forfaitaires majorées. Donc là ce que nous dit notre auditeur c'est qu'effectivement il a reçu de la part du trésor public 375 euros au titre de l'amende majorée alors qu'il a fait une contestation en bonne et due forme. Donc c'est le schéma très classique, il faut absolument écrire à la fois à l'officier du ministère public et au trésor public pour leur dire stop, arrêtez tout. Moi, j'ai contesté dans les formes et des légaux, donc je ne suis pas responsable pécuniairement de quoi que ce soit tant que le juge n'a pas statué sur ma situation. Voilà. Mais effectivement, ça arrive encore trop souvent. On est obligé, et je le dis souvent, c'est un parcours du combattant, contester une contravention. Rien qu'une contravention, parfois, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut regarder à droite, à gauche, surveiller son courrier, etc. Et enfin, arriver devant le juge pour lui expliquer, parfois 6 mois plus tard, ce qu'il s'est passé ce jour-là. Donc, se munir de preuves, des attestations, le mieux est d'avoir quelqu'un avec soi dans l'habitacle. Alors évidemment, on va pas s'enlever cette liberté-là aussi de pouvoir conduire seul, heureusement. On en parlait également parfois, de plus en plus d'ailleurs, des automobilistes se dotent de caméras. Alors là aussi, ce n'est pas non plus la panacée, puisque ça va pas, si vous voulez, ça va être une source d'information pour le juge comme une autre. Parfois, la caméra ne va pas être suffisante pour établir la responsabilité des uns et des autres. Là, je le dis évidemment plus s'agissant moins des contraventions, mais plus de la responsabilité lors de collisions, par exemple, pour identifier la responsabilité de chacun des automobilistes. 375 euros pour un stationnement gênant. Richard Barré, Eric Marcelli, c'est cher payé. Ah oui. Tout ça parce qu'on n'a pas réglé la contravention dans les temps. Oui, alors là, notre auditeur, il nous dit en plus que lui, il a contesté, c'est ça qui est fou. Si vous voulez, qu'on ne fasse rien et qu'on laisse passer les choses, on comprend qu'il y a une majoration. Mais lorsque on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire une requête d'exonération dans les 45 jours, dûment motivée en fait et en droit, le Trésor public n'a pas à s'en mêler, puisque l'officier du ministère public est saisi d'une requête en exonération parfaite dans la forme. C'est ça qui m'embête le plus. Après que ce soit majoré, bon, effectivement, 375, c'est cher payé. Mais si absolument tout a été fait dans l'ordre, pourquoi pas? Maintenant, très souvent, ce que je constate aussi, c'est que le Trésor public, tout d'un coup, trouve la bonne adresse de l'automobiliste contrevenant, alors que jusqu'alors, l'avis de contravention, le premier avis de contravention, n'a jamais été intercepté par lui-même. Donc, il y a parfois deux poids, deux mesures aussi, il faut le dire. 02-62-99-2000, et puis par SMS au 06-92-608-335. Renmé, nous venons vous chercher tout à l'heure. Donc, vous êtes de Saint-Louis, vous avez une question pour nos experts. N'hésitez pas, évidemment, à joindre Mathias au standard de la première. Nous avons un directeur d'auto-école, c'est Eric Marcelli qui est avec nous. Profitez de sa présence également pour poser, pour réagir notamment sur le code et sur le permis de conduire, sur les leçons de conduite. Maître Comme-Landivier, avocat du permis de conduire, et Richard Marais, expert en gestion des risques. 02-62-99-2000 pour toutes les questions en direct, et puis par SMS 06-92-608-335. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera. Oui, cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi où chacun de nous vivra. Oui, dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur. Le monde meilleur serait sans drame, serait sans peur, serait sans larmes. Chacun ferait ce qui lui plaît, sans que personne ne vienne et ne blâme. On pourrait arrêter le temps quand on veut pour mieux profiter de l'instant. On pourrait voyager, exaucer ses vœux seulement en se téléportant. On s'en viendrait pas d'un tard ennuyeux, on vivrait ce qui nous semble important. On profiterait tant qu'on est vivant. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera. Oui, cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi où chacun de nous vivra. Oui, dans un monde meilleur. Chacune de nos prières serait exaucée et l'on vivrait selon nos envies. Personne n'aurait à exister avec des regrets. Jon Snow serait en vie. Dis-toi que tout serait possible. Dis-toi que tout serait possible. Chaque mère serait une reine. Dis-toi que tout serait possible. Dis-toi que tout serait possible. Si l'on s'en donnait la peine. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera. Oui, cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi où chacun de nous vivra. Oui, dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur, un monde mejor. Lors tu dis quoi? Le monde meilleur. Eric Marcelli, directeur d'une auto-école, comme Landivier, avocat du permis de conduire, et Richard Barret, expert en gestion des risques, sont avec nous ce matin sur la première jusqu'à 11h30. Première. Renmé, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Saint-Louis, hein? Oui, c'est ça, la rivière. Et vous êtes très bien situé pour l'éclipse de jeudi, hein, vous savez ça? Ah oui. Oh, vous avez les lunettes et tout? Ah oui, pas de soucis. Bon, c'est merveilleux alors. Alors allez-y, votre question. Alors, bientôt, on aura un PV à contester. Oui. C'est-à-dire, on a été arrêté par les gendarmes. Je sais pas si vous connaissez un peu la zone industrielle de Saint-Louis. J'étais au stop. C'est un stop qui fait facilement 2 mètres à 2 mètres 50 de long. Et moi, j'étais sur une file pour tourner à gauche. puis sur l'autre fil, il y avait d'autres voitures. J'étais en train de chercher comment en étant de ce côté-là, je pourrais tourner. Il n'y a pas de panneau, rien. Et puis, bon, bah, les gendarmes qui arrivent sur l'autre fil, qui me fait des signes avec les mains. Je dis, peut-être qu'ils m'ont demandé de venir derrière leur fil. Ouais. J'ai fait ce qu'il fallait, puis j'ai tourné à gauche. Puis ils ont refait demi-tour derrière moi. Ils m'ont dit, voilà, je serais obligée de vous marquer parce que je vous ai demandé de tourner à droite. Hein. Et donc, ils m'ont emmené sur l'endroit pour m'expliquer le souci, le problème que ouais, d'après eux, j'ai fait. Et j'ai dit, mais ça porte confusion parce que voilà, il y a une grande, il y a aucun panneau qui m'interdit de tourner à gauche. Et ils m'ont dit, oui, je comprends, ça porte confusion. On a déjà parlé à la DDO, enfin bref, aux gens qui s'occupent de la route, et ils n'ont rien fait. Et donc, je vous mets, au lieu de la PV de je ne sais combien, je vous mets à 90€ pour stationnement, enfin bref. Et moi, je voudrais contester à ce PV bientôt, si ils vont sortir dans 15 jours. Oui, à Rennes, mais alors, je demande aussi à Gabriel de passer au standard, et je crois que Charlie aussi était avec nous, Mathias. Oui, très bien. Oui, alors avant d'entendre notre avocat, oui, Éric Marcelli et Richard Barré, hein. Alors vous avez compris un petit peu son histoire là. Moi, des fois, il faut avoir du bon sens, et puis je crois du bon sens. Richard Barré, vous êtes d'accord? Bah, en fait, du bon sens aussi, oui. Allez-y, allez-y, monsieur, c'est votre émission, c'est vous les experts. J'ai du mal à vous expliquer parce que c'est pas évident, hein. Oui, déjà, faut représenter la scène. Comme vous dites, c'est pas évident. Non. Et après, vous par des gestes de communication, déjà la communication en temps normal est difficile sur la route. Oui. Et c'est pour ça que je pense qu'ils auraient dû avoir un peu de bon sens, vous expliquer, voilà, madame, comment vous auriez dû faire et pas vous marquer. Voilà comment j'aurais réagi. Richard Barré. Non, mais en fait, la situation est toute... Attendez, Renmé. Votre situation est toute simple. Il y avait un panneau qui interdisait de tourner à gauche? Non. Il y avait une ligne blanche qui interdisait de tourner à gauche? Non. Non plus. Bon, alors, dans ce cas, c'est simple. Alors, que le gendarme fasse la demande auprès de la DEAL, donc, pour pouvoir faire un changement de réglementation, c'est une chose. Le fait que la DEAL ne leur a pas répondu positivement et que rien n'a été fait, c'en est une autre. Et le fait que, donc, rien n'est interdit encore tant que ce n'est pas acté par soit un arrêté municipal, soit un arrêté départemental, vous n'êtes pas interdit de tourner à gauche. Qu'importe ce que peut vous dire le gendarme. Il peut vous demander de tourner à gauche, mais il faut qu'il y ait des raisons valables pour cela, et la raison qu'il a donnée, ce n'est pas du tout une raison valable. Donc, en aucun cas, et Maître Comme-Landivier va continuer la suite, en aucun cas, il peut vous verbaliser parce que vous n'avez pas respecté une réglementation qui n'est pas encore en vigueur, tout simplement. Oui, donc je dois faire un courrier, tout simplement leur dire ça. Maître Comme-Landivier. Oui, non, mais c'est vrai que le cas est un petit peu compliqué. D'abord, moi, je note la première chose, première remarque, et que je trouve absolument anormal, et le terme n'est pas assez fort. C'est s'agissant de cette espèce de marchandage au bord de la route. On a l'impression, je vous ai pris en train de brûler un feu rouge, tourner à gauche comme il ne fallait pas, etc. Mais vous m'avez l'air sympathique, je vais vous mettre une contravention qui n'a absolument rien à voir. Ce qui montre bien que. Non, mais ce qui montre bien qu'il y a un problème, d'une part, d'autorité. C'est tout à fait impossible. Et d'autre part, il y a un problème s'agissant de la norme locale. Il faut bien savoir, je reprends ce qui vient d'être dit, c'est très intéressant, une interdiction, et notamment une interdiction qui n'est pas prévu dans le code de la route nécessairement, le code de la route que j'ai sous la main, ne précise pas à Saint-Louis, à tel endroit, il y a interdiction d'aller à gauche. Donc il faut d'une part une norme locale, c'est-à-dire un arrêté municipal de la municipalité de Saint-Louis qui le prévoit, et d'autre part un panneau le signalant, parce que pas tout le monde n'est... vous n'étiez pas ce jour-là invité à voter avec le conseil municipal pour savoir si oui ou non ça... Donc il faut vous en soyez averti. Et cet avertissement, il se fait naturellement avec des panneaux d'interdiction. Donc si ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies, eh bien l'infraction n'est pas constituée, vous n'avez pas à être marqué ce jour-là, il faut absolument contester. Donc vous allez recevoir un avis de contravention ou ils m'ont dit dans 15 jours, je vais recevoir. Dans 15 jours. Bah, écoutez, ça va être la surprise. Ce que je vous propose, c'est que vous nous appelez ce jour-là, quand vous le recevez, pour qu'on puisse le traiter ensemble. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous nous direz de quelle contravention il s'agit, s'il s'agit bien d'une d'une interdiction de tourner à gauche, ou s'il va y avoir une surprise, tout d'un coup vous allez être pris à un stop, à un feu rouge, on ne sait pas, puisque visiblement... Non, il n'y a même pas de feu, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est-à-dire que voilà, il y avait une sorte de discussion qui n'avait pas lieu d'être, soit vous êtes en infraction, soit vous ne l'êtes pas, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc vous nous rappellerez et puis on réglera mais ça ensemble. Mais je peux avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ah bah c'est le même que la radio, je serai. On a votre numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas. Donc on va aller suivre votre dossier jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci à vous. Ouais, c'est sympa. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Rendez-vous jeudi 1er à Saint-Louis. Hein. On y sera avec Réunion 1er. Merci à vous. D'accord, pour l'éclipse annulaire. Charlie, Gabriel qui patiente au standard de la première, Marie qui voudrait savoir, Eric Marcelli, si on pouvait refaire un permis qui est abîmé, et surtout la question importante, est-ce que c'est payant ? Le premier permis est payant. Le premier permis, oui. Mais à La Réunion, mais dans d'autres départements, c'est gratuit. Voire 1 euro, juste faire un geste commercial. Un geste symbolique, tout d'accord, simplement. Oui. Mais nous, on paye 69 euros ici. Encore une spécificité locale. D'accord. Après, pour refaire un permis de conduire, c'est gratuit, normalement. Et si on l'a perdu ? Ben, il faut aller à la gendarmerie, de faire une déclaration de perte. Et puis, à ce moment-là... C'est pas payant, Richard Barret, non. Non, quand si vous avez perdu votre permis, vous faites un duplicata. Si vous faites un duplicata, vous devez payer à ce moment-là. Mais combien 69 euros, ça va vous coûter en moyenne. Donc, enfin, en moyenne, c'est le prix à La Réunion et dans 5 départements français encore. Hein, donc, La Réunion fait partie de ces 5 privilégiés. Gabriel est avec nous. Bonjour Gabriel. Allô, bonjour. Bonjour Gabriel, oui. Oui, bonjour. Je voulais parler. J'ai de la dame qui dit qu'elle était stationnée sur un trottoir. Oui. Mais ça a été dit stationnée sur un trottoir. J'ai fait 26 ans dans un armoire. Oui. Ça a été dit stationnée. Arrêt, oui. Arrêt sur un trottoir, c'est possible. Non, mais stationnement sur un trottoir, non. Ce n'est pas possible. Non. Gabriel, oui. Richard Barret, vous êtes expert en gestion des risques. Oui, j'ai fait quand même 3 ans dans la gendarmerie aussi, mais j'ai fait plein d'autres choses. Mais le trottoir, l'arrêt et le stationnement sont interdits, excepté donc, dans ce qu'on appelle un stationnement exceptionnel par arrêté municipal. Si le trottoir est suffisamment large pour permettre la circulation des piétons et une voiture garée dessus, soit en partie, soit totalement, seulement dans ce cas, les voitures peuvent s'arrêter ou stationner dessus. Sinon, arrêt, stationnement sur les trottoirs, et c'est important de le dire pour tous les auditeurs, sont strictement interdits, que ce soit pour un arrêt momentané. Merci. Charlie est avec nous. Charlie, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Charlie, merci d'être là. Oui, c'est à vous. Oui, bonjour. Je voulais poser une question. On avait une société depuis 2015, mai 2015, ça a été liquidé. Oui. Le jugement passe bientôt pour la finaliser. Et on avait des véhicules qu'on a restitués à les organismes de crédit. On est allé déposer ça dans un grand dépôt chez la possession et tout. On a eu les papiers en règle comme quoi on a déposé au niveau de l'ex-bail, tout ce qu'on avait prêté, quoi. Et là, juin 2016, on reçoit encore des PV. J'ai reçu des PV des véhicules qui a fait un excès de vitesse de 45 km/h chez Saint-Benoît. La société a été liquidée, c'est ça, hein? Ah oui. Non, et vous recevez toujours des contraventions. Voilà. Et normalement, quand l'organisme de crédit récupère le véhicule, on nous fait signer les papiers, la carte grise, on met barré dessus parce que ça va passer à un autre nom. Oui. Et ça veut dire que eux, ils ont revendu le véhicule aux enchères, un truc comme ça, et que le gars, il a pas transféré la carte grise. Là, oui, le problème de transfert de la carte grise, Richard Barret. Alors donc, vous aviez en société individuelle ou en vous étiez en société ou en individuel? En société, alors déjà, donc vous risquez rien du tout, parce qu'en fait, vous êtes considéré à l'heure actuelle comme irresponsable, parce que vous avez un mandataire judiciaire ou un liquidateur judiciaire qui doit prendre en compte cette situation. Donc, normalement, à partir du moment où vous avez mis en liquidation votre entreprise en 2015, le mandataire judiciaire sera certainement saisi, mais rien ne pourra être retenu contre vous, puisque vous n'êtes plus responsable de cette société, ni de ce qui en découle. Donc les PV, je les mets à la poubelle directement. Je vous conseille quand même de voir un avocat avant de faire ceci quand même. Oui, alors les PV vont à la poubelle ou pas? Ah non, maître comme Landivier, avocat du permis de conduire. Absolument pas. Donc premier point, effectivement, il faudra vérifier la date à laquelle vous les recevez, mais aussi la date à laquelle il est fait référence dans les procès-verbaux. Est-ce que c'est des procès-verbaux qui portent des infractions sur la période où vous aviez, où vous étiez encore en possession de ces véhicules-là ou la ça c'est juin 2016 là. Ouais, d'accord. Ça fait déjà un an qu'on a déposé les véhicules. Bon, bah alors, moi je vous recommande quand même de faire ces démarches-là vous-même. Il est vrai que de toute façon on pourra rien vous réclamer puisque pour l'instant vous êtes en période de liquidation, mais que par ailleurs. Mais c'est le plus important, je vous recommande, moi, d'envoyer une requête en exonération et de cocher la case numéro 1 qui vous permet de dire que le véhicule a été cédé. Et là, ça vaut cession. Tous les papiers que vous avez faits avec l'organisme c'était du leasing, je suppose. Oui, du leasing, voilà. Vont vous permettre de dire que vous n'étiez plus possesseur de ce véhicule et qu'aucun de vos salariés, par ailleurs, si vous en aviez. Donc, vous n'êtes responsable ni pénalement, ni pécuniairement de ces infractions-là. Voilà, et je vous recommande de le faire en recommandé à l'officier du ministère public. L'adresse est toujours marquée sur le premier verso de votre avis de contrôle. Richard Barret. Voilà, donc deux petites choses. Une chose très importante, donc c'est en effet donc avec ce qui vient d'être dit. Alors il y a deux autres choses, c'est-à-dire que si vous étiez en individuel par exemple et que l'infraction a eu lieu avant donc la liquidation, automatiquement ça pourrait se retourner contre vous personnellement puisque le véhicule appartient à la personne et non plus à l'entreprise. Donc ça c'est important pour les autres. Maintenant sachez que je pense que Maître Landivier me donnera confirmation si dans les un an qui suivent la date de constatation du UPV, vous n'avez pas reçu de l'amende, normalement, elle n'est plus valable, si c'est bien ce que je pense. Oui, voilà. Il y a une prescription de l'action publique s'agissant des contraventions qui est de un an. Mais là, vous me dites que c'est des contraventions constatées oui, le 1er juin 2016. Le 20 juin exactement voilà, de 2016. Juin 2016, donc la question de la prescription ne se pose pas là. En revanche, voilà. La question de la responsabilité, tout simplement, et elle est très simple, et vous allez évidemment avoir un classement sans suite, enfin je l'espère, mais là, ça serait vraiment gros. L'officier du ministère public va constater tout simplement que vous n'étiez pas en possession de ce véhicule à la date du 20 juin 2016, point barre. Il n'y a rien d'autre à dire, classement sans suite. Prévenez quand même votre mandataire, votre liquidateur judiciaire, il doit quand même être au courant de ces situations-là, oui, parce que c'est lui qui est responsable à votre place, donc c'est lui qui va vous couvrir à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose à faire. Voilà, Charlie, merci. Vous m'avez fait grandir dans mes idées, c'est bien. C'est vrai ? Ah oui, là oui. Bah, merci. Bonne journée. Merci aux experts, merci. Surtout. Allez. À bientôt. Prosper est avec nous. Une question pour Eric Marcelli, directeur d'auto-école et aussi moniteur. Prosper, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour, Prosper. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Et vous ? Ça va. Il fait ventiler sur Saint-Pierre. Oui. Alors, votre question. Pour apporter une petite précision sur la dame à Saint-Louis. Là. Sur Saint-Louis, oui. Et sa contravention sur le stop. Est-ce que elle a regardé également le marquage au sol qui spécifiait que le tourner à gauche était interdit? Oui, Eric Marcelli. Ben, je pense qu'elle a regardé puisque elle nous a décrit la situation parce qu'il y a un endroit sur Saint-Louis et c'est mal, et c'est mal signalé. Donc, c'est difficile d'avoir la situation en tête comme ça, puisqu'on n'a pas l'image. C'est pas évident. Je vois à peu près où est-ce qu'elle a eu, peut-être, enfin, dans la situation qu'elle a pu avoir, sa contravention. D'accord, oui. Mais dans la zone à Saint-Louis. Il y a un endroit dans la zone également. Le tourné à gauche, il n'y a pas de panneau. Mais par contre, il y a une bande de zébras. Et il n'y a pas de voie de stockage. Non, il n'y a pas tout ça, monsieur. Il n'y a pas tout ça. Elle nous a pas expliqué tout ça. Voilà. Non, mais justement, il y a un endroit à cet endroit-là, il y a cette zone de voie de stockage au milieu de la voie, et il fallait faire le tourner à droite, faire le rond-point, et ensuite partir à gauche. Là, vous parlez du marquage au sol, c'est ça ? Enfin, voilà. Il y a un endroit où il y a un marquage au sol qui est interdit de le tourner à gauche. Dans cette voie-là, justement. Voilà, permettez-moi, parce que justement, cette question, je lui avais posée tout à l'heure, et elle m'a répondu par la négative. Hein, donc, apparemment, il n'y avait pas cette situation. Et même quand il y a des voies de stockage, vous avez quand même une voie un marquage qui vous permet de traverser ce genre de zébra. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Sachez toutefois que quand il y a un marquage au sol, mais qu'il n'y a pas de panneau, c'est le panneau qui prime. Le marquage au sol est un complément, mais n'est pas juridiquement parlant responsable, n'a pas autorité sur la conduite même. C'est le panneau qui va primer et non pas le marquage. D'accord. S'il n'y a pas le panneau, comme vous le dites, le tourner à gauche, exact, interdit, qui interdit le exact, tourner à gauche. Exact. Il y a un marquage aux zébras là. Alors attention. Non. Voilà, par contre, non. Hein, si il y a, et c'est la question de tout à l'heure que j'avais posée, hein, elle m'a répondu par la négative. S'il y a un zébra ou une ligne blanche, on ne peut pas. Par contre, attention. Voilà. Parce que l'entrée sur cette voie de stop, il est possible. Mm-hmm. Mais par contre, le sortie et le tourner à gauche, il est interdit à cause de cette ligne de zébra. Très bien, on va y aller. Vous irez faire un petit tour avec Marcel, vérifier. Comme vous me dites le complément, c'est un complément du marquage, il est pas spécifié par rapport au panneau. Donc c'est pour ça que je pose la question. Quoi. Mais vous avez très bien fait. Merci beaucoup, Prosper. Merci à vous. Marcelli, vous irez un tour du côté de Saint-Louis. Éric Marcelli, directeur d'une auto-école, comme dans Divier, avocat du permis de conduire. Richard Barré, expert en gestion des risques, sont avec nous. Nous irons vous retrouver au standard de la première, juste après l'info de 11h, présenté par Antoine Garnier. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Vous retrouverez les experts du code de la route et du permis de conduire sur la première, il est 11h. L'info avec vous, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Les jours de Laurent Chardard ne sont plus menacés, mais le bodyboarder a perdu deux membres lors de l'attaque de requin dont il a été victime samedi après-midi sur le spot de Boucan-Canotte. Mordu au bras et à la jambe, le jeune homme de 21 ans est toujours hospitalisé. Le sauveteur qui s'est blessé en lui portant secours est lui aussi toujours hospitalisé, éjecté du jet ski par une énorme vague. Il souffre de blessures à une jambe et au visage et doit subir une intervention chirurgicale qualifiée de délicate par les médecins cet après-midi. Hubert Debeu l'a rencontré rentré ce matin sur son lit d'hôpital à Gabriel Martin. Un témoignage exclusif pour Réunion Première que vous pourrez entendre dans notre journal de midi. Le drapeau rouge était hissé, la baignade et les activités nautiques interdites au moment du drame et malgré les avertissements des sauveteurs, plusieurs surfeurs et bodyboarders avaient décidé de se mettre à l'eau. Attaque de requins, un éternel recommencement. La question est posée aujourd'hui dans le 12-13 de Réunion Première Radio. Pour en parler, Philippe Dornier recevra Jean-François Nativelle, le président de l'association Océan Prévention Réunion, Jean-Bernard Galvez, porte-parole du collectif de protection des requins, et Arnold Jacou, un psychosociologue auteur d'un rapport sur la crise requin. Vos questions et vos réactions sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag CDL à première ou sur la page Facebook de l'émission. Vos questions également sur notre standard au 026 de 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. L'actualité de ce lundi 29 août, c'est aussi la cour d'assises de la Réunion qui ouvre une session de 3 semaines aujourd'hui. Cette 7e session de l'année sera en grande partie consacrée à des affaires de mœurs. À partir de cet après-midi et jusqu'à demain, l'accusé sera un homme de 34 ans. Il comparaît pour le viol de sa femme, mais aussi de sa petite fille et de sa nièce, toutes deux mineures. Des faits qui auraient été commis dans le courant de l'année 2014 sur la commune de l'Étang Salé. En football, la reprise du championnat de D1R, c'était ce week-end à l'issue de la 9e journée. Le classement provisoire est toujours le même pour ce qui est du leader. La JSSP, invaincue, reste logiquement en tête, suivie de l'Excelsior et de la Sainte-Marienne. C'était la 9e victoire en 9 matchs hier de la JSSP après une victoire sur un score sans appel face au Saint-Denis FC, 3 buts à 0. C'est lundi ce soir, n'oubliez pas votre rendez-vous politique sur Réunion Première Radio. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Vlody qui sera devant la Réunion. Le député PS répondra en direct aux questions de Gaël Le Dantec à partir de 18h15. Et puis avant de redonner la parole à Claude Montanet et ses experts, on passe en revue l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de France Info. Je vous retrouve à tout à l'heure pour le journal de midi. Un tour la météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Bref, France Info, tout à l'heure, on va faire tout de suite un point sur le temps. Merci Antoine. Si les nuages peuvent encore par moments déborder vers le sud et l'est, ce n'est pas le cas plus à l'ouest. De Sainte-Marie à Saint-Louis, en passant par le port, le temps est plutôt ensoleillé. Il fait toujours beau dans les cirques et puis dans le courant de l'après-midi, les nuages seront dans le nord-ouest, idem dans le sud sauvage et au volcan. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Les experts de ce lundi, les experts du code de la route et du permis de conduire, vous êtes en attente d'une place pour passer l'examen de conduite, profitez de la présence de notre directeur d'auto-école, les questions que vous aimeriez surtout poser à notre expert, et puis aussi présent dans le studio, Maître Comme-Landivier, avocat du permis de conduire, et Richard Barré, expert en gestion des risques, 02 62 99 2000 pour toutes les questions, et puis par SMS au 06 92 70 2000. Didn't we have the two ones, we have everything. Our hearts have a song to sing. We now know that dreams come true, 'cause now there's me and you. Didn't we have Lenny Kravitz et Lionel Richie sur la première. Éric Marcellet, directeur d'une auto-école, comme Landivier, avocat du permis de conduire, et Richard Barret, expert en gestion des risques, sont avec nous pour répondre à toutes les questions. Philippe est au standard. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi, j'ai pris votre émission en cours tout à l'heure et vous avez parlé de refaire le permis de conduire, où est-ce qu'il fallait se rendre, combien ça coûtait et quel papier il faut, s'il vous plaît, parce que le mien est abîmé. Le vôtre est abîmé. Et oui, Éric Marcelli. Mais il faut aller tout simplement en préfecture. Et puis, il y a des documents à remplir sur place. Il n'y a aucun document à emmener. Si, certes, c'est aussi, bien sûr, je l'ai dit en début d'émission, je vous avais quand même des photos type passeport permis de conduire. Oui. Ensuite, attestation de domicile, bien sûr, soit de l'eau, soit du téléphone. Mmh. Éventuellement, votre gentillesse pour qu'on soit dit à la préfecture, parce qu'il faut attendre très très longtemps. Oui, mais c'est pas... Est-ce qu'il y a des moments où il y a un peu moins de gens, non ? De bonne heure le matin, non ? Alors, j'y suis allé 6 fois, moi. Ah, quand même. Oui. Prenez pour votre faire temps. Refaire le... Oui, parce que tout simplement, il y avait trop de monde. Et puis, on a arrêté la prise de personnes à D'accord. partir de 9h30. Donc, j'y suis allé une fois à 6h30. Il y avait trop de monde déjà. La deuxième fois, j'y suis allé à 11h30 avant la fermeture. C'était impossible. j'ai fait intervenir d'autres personnes. Donc... Voilà, D'accord. ce sont les services D'accord. de l'État. Et combien ça coûte alors, pour faire refaire ? Pour refaire, normalement, c'est gratuit. Ah, d'accord. Bon, ben, très bien. Bon, oui. Voilà au moins une bonne nouvelle. Voilà. On attend, mais c'est gratuit. Ouais, prenez votre temps. Bon, ne soyez pas pressé, c'est ça ? Non. Très bien, très bien. Exactement. Très bien. Et puis alors, juste un mot, oui. Vous avez toujours les 12 points sur le permis ? Oui. J'en perds un, je le regagne après, hein, pour des bêtises, quoi. Hein. Oui. Juste pour information, avant 2033, tout le monde devra avoir la petite carte du permis de conduire. le nouveau permis. Oui, format carte bleue, là, c'est ça. Voilà. Donc là, dans, dans le cas, Richard Barré, dans le cas de Philippe, quand il va refaire son permis, il aura la, le nouveau permis. Hein, ça a été mon cas. C'est d'accord. Oui, tout à fait. Oui, vous avez. On a droit. Vous allez avoir permis, votre, votre petite carte. Moi, enfin, c'est pas ce que je conseille. Le mieux, c'est d'attendre le plus longtemps possible avant de récupérer cette petite carte. Il y a énormément d'informations dessus, mais bon, vous n'avez pas le choix apparemment. Ben non, parce qu'il est un peu les pages, enfin les, c'est sous forme de feuillet, de livret, je sais pas comment il faut dire, en trois parties. Volets. Oui. Et elles sont plus ou moins indépendantes les unes des autres. Voilà Philippe. Bon, merci à vous. À très bientôt. Et ouais. Puis Marie de l'Ouest qui demande, est-ce qu'une autre personne pourrait aller à la place du détenteur de permis pour le faire? Il n'y a pas de souci. Pour le refaire, oui. Juste avec une attestation. On peut aller pour quelqu'un d'autre, oui. Juste une procuration, oui, c'est ça? Oui, exactement. Il n'y a pas de souci. Fred qui dit, alors ça c'est ça vous concerne, maître comme Landivier, avocat du permis de conduire, contester c'est possible, nous dit Fred, mais avoir gain de cause malgré on a raison, c'est ça le plus dur et c'est plutôt galère. Oui, ben oui, parce contester, que le code... oui, c'est dans les droits, ouais, bien sûr. Alors il faut distinguer en fait, hein. C'est vrai que maintenant contester lorsque on subit une injustice, on va aller contester ce qui on a sous les yeux, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va simplement dire non, je n'ai pas chevauché cette ligne continue, par exemple, non, je n'ai pas grillé ce stop-là, etc. Il est vrai que si on ne se contente de faire ça, malheureusement pour ceux qui sont qui n'ont pas tort, du moins, ça va être compliqué puisqu'on a en face de nous un agent de police judiciaire ou parfois un OPJ, un officier de police judiciaire qui, lui, est assermenté et dont le procès verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. Et les preuves contraires, nous dit le code de la route, c'est soit des témoins, donc des attestations, essentiellement ça en fait, hein. J'allais dire soit ça, mais non, hein, c'est simplement des témoins, s'agissant du fond de la contravention. Maintenant, reste la forme, il faut savoir que le code de procédure pénale nous dit que la contravention n'est régulière que si le procès-verbal, lui, est régulier en la forme. Donc, il y a toujours deux choses à distinguer, le forme de la contravention du fond. Donc, le fond, l'automobiliste le connaît en général, il connaît, il sait ce qu'il a fait ce jour-là, cette heure-ci. En revanche, la forme, c'est un peu plus compliqué et c'est là où le plus souvent les juristes interviennent. Fred qui dit aussi, il coûte encore plus cher en fait, la contravention coûte beaucoup plus cher parce que le temps passe et après c'est majoré. Hein. C'est ça. Ah oui, on a l'impression que c'est un peu comme le vin, bon vin, hein, plus sa vie, mais c'est pas pour cette raison-là, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, d'abord, il y a une majoration qui s'applique, une contravention de quatrième classe, les plus courantes, téléphone, le stop, le non-respect du stop, le feu rouge, etc., c'est 135 euros, et c'est majoré à 375 si on ne fait rien, ou au bout de à peu près un mois et demi. D'accord. Ouais. Le trésor public se réveille, édite automatiquement des avis forfaitaires majorés et on reçoit un avis de contravention de 375. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on conteste dans les formes et les délais légaux, on se retrouve normalement devant, cité à comparaître devant un juge de proximité le plus souvent. Et là, le juge, effectivement, a un pouvoir souverain d'apprécier si oui ou non la responsabilité du contrevenant est établie ou pas. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur la peine, en fonction de la personnalité du contrevenant, il va appliquer une peine ou alors le déclarer irresponsable, bien entendu. Mais s'il le condamne, cette peine-là, s'agissant des contraventions de quatrième classe, peut monter jusqu'à 750 euros. Donc il y a toujours une balance à faire entre les éléments que j'ai en main pour pouvoir contester. Est-ce que oui ou non c'est recevable? Est-ce que c'est suffisamment sérieux? Ou non, je paye l'amende forfaitaire, puisque comme son nom l'indique, c'est, le législateur a émis ce système d'amende forfaitaire. Donc il nous, d'une certaine manière, nous permet de nous acquitter de notre peine de manière moindre si on la reconnaît tout de suite. Ça a un effet pervers, puisqu'on a l'impression que on doit payer d'une part, et que d'autre part, tout nous incite à payer. Alors que parfois, évidemment, on est dans notre droit et il faut absolument contester l'infraction. Faites valoir vos droits face à vous ce matin sur la première et au téléphone. Il vous reste un gros quart d'heure pour joindre Mathias au 02 62 99 2000 pour poser des questions notamment sur le permis de conduire, sur le code, sur la contestation de la contravention. Maître comme Landivier, Éric Marcellet, directeur d'auto-école, et Richard Barré, expert en gestion des risques sont avec nous. 02 62 99 2000. c'est pas Danny Blanc, on va dire la foule. Dansons le tango, tango. Hey, hey, Magic System, ouais. Ah ouais, on est là pour une histoire de tango, tango. Avec DJ Abdel. Magic System, ah ouais, sur la première. Messieurs les experts, il y a René de la Possession qui dit au 06 92 70 2000, je viens de refaire mon permis de conduire, c'est payant, sauf si c'est un changement d'adresse. Éric Marcelli. Ben pour moi, ça n'a pas été payant, puisque j'ai fait refaire mon permis, ça a été gratuit. Après, ça va suivre des cas, si c'est un duplicata ou autre. Donc là, il faut voir directement en préfecture. Sauf si on a changé d'adresse, Richard Barret. Vous aviez l'information ou... Oui, voilà. Donc, je confirme ce que vient de dire Eric, parce que jusqu'à maintenant, hein, donc, quand on faisait refaire son permis, soit pour un changement d'adresse, ou alors dans la même situation que le changement d'adresse, le permis n'est plus visible, il est gratuit. Peut-être que ça a changé. Je peux très bien me renseigner et vous donner des informations, mais jusqu'à maintenant, à part la situation où vous faites un duplicata, c'est-à-dire vous avez perdu votre permis, normalement, c'est encore gratuit, donc à confirmer peut-être. Alors, la question de notre auditeur, quel véhicule on peut conduire avec le permis B, s'il vous plaît ? Oui, alors, avec un permis B, vous pouvez conduire tout type de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC. Donc, à partir de 3,5 tonnes, vous êtes obligé d'avoir un permis poids lourd. Alors maintenant, tout type de véhicule, ça ne veut pas dire que vous pouvez conduire une moto, parce que pour conduire une 125, si vous avez le permis voiture depuis plus de 2 ans, vous êtes obligé de passer à faire un stage dans une auto-école de 7 leçons et avoir donc une attestation ensuite qui le prouve. Et sinon, si vous voulez conduire une moto, vous passez le permis moto, bien entendu. Éric Marcelli, c'est qui décide de savoir si l'élève est en capacité de passer l'examen de conduite? C'est l'élève, c'est le moniteur, c'est le directeur de l'auto-école? C'est une question qui est arrivée par SMS. Alors, ce qui décide... C'est qui décide alors? Alors aujourd'hui, maintenant, le permis de conduire, c'est une compétence. On doit avoir plusieurs compétences pour être capable d'être allé à l'examen. Dans la tête des gens, ça n'a pas évolué beaucoup parce qu'ils pensent déjà à leurs parents, leur oncle et tout ça, qui ont passé le permis avec beaucoup plus de facilité. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Les gens ont évolué, le permis de conduire ont évolué. Moi, je leur demande de prendre conseil avec leur moniteur s'ils sont aptes ou pas. Et puis, on est capable de juger soi-même. D'ailleurs, le permis de conduire, on s'est basé sur la matrice GDE. Pour les compétences. La matrice GDE, alors c'est... Alors c'est un... Comment dire, c'est Gold Driver Education, ça vient de Suède, sur lesquels les experts ont travaillé dessus depuis 1998, je pense, par là, et dans laquelle Richard et moi-même avons été formés. Ouais. Et c'est une matrice dans laquelle on doit rentrer la formation des candidats pour juger leur autonomie, leurs compétences, les évaluations. Et là aussi, la formation du moniteur a changé. C'est plus un titre professionnel à travers lequel on doit travailler des compétences, bien sûr la pédagogie et aussi tout ce qui est la signalisation, mais beaucoup plus des compétences. On parle beaucoup de comportement dans le permis de conduire. De plus en plus, oui, c'est vrai. Parce que c'est ça qu'il faut toucher. Donc le comportement, c'est simplement de dire aux gens de ne pas boire, mais aussi faire raisonner les gens de manière à dire « Oui, j'ai eu cette situation-là, elle peut être adaptée dans d'autres situations ». Et faire une transposition. Et c'est ça que les gens n'ont pas encore compris. Mais le permis de conduire, la formation, c'est chacun. C'est personnel, la formation. Il y en a, il faudra peut-être 25 heures, d'autres 30 heures. C'est ça? Eh oui, on est tous différents. Certains vont réagir beaucoup plus vite, hein? On est bien d'accord, Richard Barret, par rapport à d'autres. Tout à fait. Donc il est important quand même qu'il y ait une auto-évaluation. Et ce que vient de dire Eric sur la matrice GDE, bon, c'est un gros pavé. Si vous voulez vérifier un petit peu plus, aller un peu plus dans le synthétisé, vous avez aussi une variante de la taxonomie de Bloom, par exemple, que vous pouvez aller faire des recherches sur Internet. Vous allez voir qu'il s'agit donc de comportements, d'attitudes qu'on aurait vis-à-vis de la sécurité routière et des autres sur la route. Ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi maintenant un moniteur doit décider avec son élève et non pas l'élève faire la demande expressément et puis quelquefois ça se passe mal parce que le moniteur refuse. Pourquoi il doit le décider lui-même si l'élève est prêt ou pas? Parce que maintenant il y a des exigences au niveau du passage du permis de conduire lui-même, que si même si vous savez maîtriser une voiture, vous n'êtes pas forcément compétent pour maîtriser le flot de circulation et le comportement des autres. Très très très important, et vous risquez d'aller au-devant de beaucoup de soucis si vous passez votre permis alors que votre moniteur ne vous dit que vous n'êtes pas prêt, puisque vous allez le louper. Et sachez qu'au bout de 5 fois, si vous avez raté votre examen, vous allez devoir recommencer le code. Et donc là, c'est vous qui êtes perdant, en plus de toutes les frais, enfin les présentations que vous allez payer et les cours supplémentaires. Donc il est très important d'avoir une très très bonne communication avec votre moniteur, de lui faire confiance, parce que si vous avez choisi cette auto-école, c'est quand même parce que vous avez fait confiance à cette auto-école là. Donc de faire confiance à votre moniteur, et puis normalement tout devrait bien se passer. Tout à fait, Richard. Alors, déjà, il faut avoir la confiance établie entre l'auto-école et l'élève. Et aussi, le permis de conduire a un coût. Il ne faut pas croire que le permis de conduire, on va l'avoir pour 500 ou 600 euros. Ce n'est pas vrai, ça. Hein? Il faut compter plus, aller vers 1500, voire plus pour certaines personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés. C'est pas donné, hein. Beaucoup de difficultés concernant la manipulation du véhicule, parce qu'ils sont tous dans leur téléphone portable à rechercher des Pokémon, qui est du virtuel, et la conduite, c'est pas du virtuel. Donc, il faut être dedans. Quand vous dites que c'est pas donné, sachez qu'à La Réunion, la moyenne est entre 1500 euros à 2000 euros maximum, alors qu'en métropole, le prix est beaucoup plus élevé. Donc l'auto-école réunionnaise est moins chère que l'auto-école métropolitaine française. Richard Barret, maître comme Landivier, Eric Marcelli, les experts du code de la route et du permis de conduire, sont avec nous. On vient vous chercher au standard de la première et puis continuez à réagir par SMS au 06 92 70 2000. Pega nous dans son pré. Mais à toi billet de l'invité. À la lila, à la lila de mon maman. À la lila, mon content mon séga. À la lila, à la lila de mon maman. À la lila, mon content mon séga. Nous pour rouler dans l'unité. Rien que yon ve ma rafa, nous sakouyer rafa. N'pe batte le rana, rafe bouze ra. Nous les vous nous l'amé. Santé danser pour nous amuser. Mettre la joie dans ton été. Fini danser, pas bise à topé. Ici c'est gâte à tout en son frère. Vers toi plier de la vie. À la lila, à la lila de mon maman. À la lila, mon content mon séga. Oh lola et lolo, oh lola et lolo, oh lola et lolo, oh la et lala. Oh lola et lolo, oh lola et lolo, oh lola et lolo, oh la et lala. Denis Azor en duo et avec surtout le groupe mauricien Ravens sans frontières. Merci aux mamans qui ont réagi également pour les questions, notamment Richard Barré et puis Eric Marcelli, notamment sur le siège auto. Plus d'un enfant sur deux, il semblerait donc, serait mal installé dans le siège auto. Vous confirmez? Je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais en effet, donc il est très bien de rappeler la réglementation concernant les sièges auto, c'est-à-dire de 0 à 9 mois, vous avez donc le lit nacelle, c'est un petit couffin, donc dans lequel vous mettez votre enfant dos à la route, bien sûr attaché évidemment. Hein. Après de 10 mois à 3 ans ou de 9 mois à 3 ans, vous avez donc le siège baquet, c'est un petit fauteuil dans lequel vous installez votre enfant sur le siège arrière ce coup-là, et ensuite, de 3 ans à 10 ans, le siège rehausseur, bon, évidemment, en fonction de la taille de l'enfant. C'est-à-dire que s'il y a eu à 8 ans, l'enfant dépasse une certaine taille, c'est-à-dire dépasse 1m20, normalement, après, vous n'avez plus besoin de le mettre sur le siège rehausseur, puisqu'il a la taille nécessaire pour que la ceinture, en 3 points, donc, puisse reposer sur les 3 points essentiels du corps. Donc, 0 à 9 mois, c'est le lit nacelle. De 9 mois à 3 ans, c'est le siège baquet, le fauteuil. Et de 3 ans à 10 ans, ce sera donc le siège rehausseur. Alors, Eric Marcelli, il y a aussi Sabrina qui nous dit, mais alors, ça fait un petit moment qu'elle patiente pour passer son examen de conduite et elle ne comprend pas trop pourquoi. Elle pense avoir assimilé tout ce qu'il faut, donc qu'elle serait prête. Mais, alors ça serait très difficile. Elle devrait attendre encore combien de temps? Je sais pas. Je ne sais pas parce que c'est pas, je ne la connais pas. Oui, d'accord. Oui. Et chaque personne a sa capacité d'apprendre, de se former. avec son formateur et puis l'intelligence, que ce soit cognitive ou manuelle, appartient à chacun. Et là, je ne peux pas le dire puisque chaque personne est différente. Même si elle se sent prête, même si elle... Il faut qu'elle en discute avec son moniteur, avec son formateur. Son formateur. Oui. Ouais. Oui. Il y a peut-être des points encore à travailler et je ne peux rien dire là pour l'être. Maître comme l'endivier, les vitres surteintées, à partir du 1er janvier 2017, donc elles seront interdites, hein, ces vitres surteintées. Oui. Voilà, oui, le PV que l'on risque. Alors, le PV, 135 euros. Vous avez déjà les éléments d'information sur le... Oui, oui, c'est une contravention de quatrième classe qui est prévue pour ce type d'infraction. Je rappelle les éléments, effectivement, contravention de quatrième classe, 135 euros, minimum à 90, majoré à 375. Donc, si l'on ne fait rien et si l'on ne conteste pas, comme on le disait tout à l'heure, ça va vite augmenter. Et puis, dernière chose également, c'est toujours le conducteur de l'automobile et non pas le propriétaire de l'automobile, comme pour d'autres infractions relatives... si vous voulez, là c'est l'équipage, l'équipement du véhicule qui est en cause. On aurait pu penser que pour d'autres infractions qui sont un petit peu similaires, c'est le propriétaire du véhicule qui soit sanctionné. Oui, là, c'est le conducteur. C'est-à-dire que si demain je vous prête un véhicule qui n'est pas aux normes par rapport aux vitres surteintées, ce n'est pas moi qui serai le responsable pécuniaire. C'est pas moi le propriétaire de la voiture. Voilà, ça sera vous qui conduisez celui le véhicule. Celui qui conduit la voiture, oui. Voilà. Ouais. Donc je vous prêterai mon véhicule. C'est pas mal ça, non? Mais c'est très important ce que vient de dire Maître Comblant-Olivier, justement, il faut l'assimiler, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se plaindre que c'est pas leur voiture, mais il faut bien l'assimiler au fait que si je vous prêtais ma moto et que vous roulez dessus sans un casque, c'est vous qui êtes responsable, c'est pas la moto, ni moi. Voilà, donc c'est très important. Vous devez refuser d'être dans un véhicule, entre guillemets, bien entendu, qui n'est pas conforme à la loi. Mais oui. C'est vrai que oui, je faisais le parallèle avec d'autres infractions. Je pense notamment à l'infraction d'émission de gaz toxique ou lorsque, par exemple, le pot d'échappement est mal réglé de telle sorte qu'il y a une émission de gaz toxique ou de gros brouillard derrière soi. Cette infraction-là, la Cour de cassation s'est prononcée et a dit que le responsable pécuniaire de cette infraction était bien le propriétaire du véhicule et non pas le conducteur. Donc il y a deux poids deux mesures par rapport à... parce que dès lors qu'il s'agit de l'équipement, le législateur aurait dû sanctionner aussi le propriétaire. Mais il a estimé que celui à qui on prêtait le véhicule, ou en tout cas on le mettait dans les mains d'un véhicule, était responsable... Alors qu'on l'a bien dit lors des émissions de l'année précédente, c'est extrêmement compliqué de deviner si oui ou non les 70% de lumière passent à l'intérieur du véhicule. Donc ça peut être un problème et le législateur a tranché de manière définitive et ça sera bien le conducteur. Combien de temps ça prend pour récupérer un point sur le permis ? Un point sur le permis, c'est 6 mois, à condition commettre aucune infraction durant les 6 mois. Éric Marcelli, le stage de récupération de points, comment ça se passe ? Il faut tout simplement qu'il téléphone à un centre, il y en a plusieurs sur l'île. Et qui prennent rendez-vous. Voilà, tout simplement. Eh bien, c'est 250 euros, je crois, le stage. Ils vont faire un formateur et puis un psychologue. Et il y en a régulièrement sur l'île. C'est sur 2 journées, je crois. Oui, 2 jours. Vendredi, samedi, le plus souvent. Oui, exact. Maître Comblant-Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Éric Marcelli, directeur d'une auto-école. Et puis, bonne conduite pour la suite. Merci. Merci également Richard Barré, expert en gestion des risques. Merci, messieurs les experts, sur la première. Right there when I need it. dégagés de la cordillère. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. Chez toi, est-ce que tu vois le soleil? Rien ne peut briser ce lien. Je prends le train, celui qui ce lien, je prends le train. Tout à l'heure, à 12h15, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier. L'attaque de requins, un éternel recommencement. C'est la question qui sera posée, évidemment, dans le débat de tout à l'heure sur la première. Le surfeur grièvement mordu, donc, samedi à Boucan-Canote, est la 19e victime depuis 2011. L'imprudence est très souvent à l'origine de ces drames. Vous allez pouvoir réagir de 12h15 à 12h45 sur la première, au 02 62 99 2000. Mon bout de doigt, tous les oublis encore. Tout mon l'amour pour toi, mais c'est quand tout ça peut venir encore plus fond. Ouais, tout mon passe la vie, toi. Chaque fois comme au lit, quand t'es mon écho qui sonne. Dans l'esprit, ça la cloche va bien résonner. Ça veut dire là où on finit à prouver. C'est toi qui m'aurais compris, c'est toi, tout mon fait blesser.

bien ensemble, l'amour est tellement doux. Mehdi Charville sur la première. Il est 11h49, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Décès de Francis Raymond Coulombe. Francis Raymond Coulombe, décès survenu hier à l'âge de 70 ans. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en l'église des Avirons, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Guégano Michel Lucien. Monsieur Guégano Michel Lucien, domicilié au 44 avenue des Indes, à la résidence Les Prunelles, appartement 16 à Saint-Pierre. Décès survenu à l'âge de 59 ans. Un recueillement aura lieu au centre funéraire de la ligne Paradis à Saint-Pierre. L'heure et la date des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Narayana, née Soralia Suzanne. Madame Narayana, née Soralia Suzanne, décès survenu le 28 août à l'âge de 88 ans. Le convoi sortira du 27 rue Eugène Daillot à Saint-Joseph. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Francombe Marie Léonie Antoinette, plus connue sous le nom de Madame Guy ou Antoinette. Madame Francombe Marie Léonie Antoinette, décès survenu hier à l'âge de 81 ans. Le convoi sortira de son domicile au 43 chemin Bout du Cap, donc à Langevin. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Samy, née Periana, Marie-Léone. Madame Samy, née Periana, Marie-Léone, domiciliée aux 4 rues du 20 décembre à Sainte-Suzanne. Décès survenu hier à l'âge de 83 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima. Aujourd'hui à 14h, la bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Suzanne à 15h. L'inhumation au cimetière de Sainte-Suzanne. Décès de Monsieur Rubens Eugène Norbert, plus connu sous le petit nom de Monsieur Norbert. Monsieur Rubens Eugène Norbert, décès survenu hier à l'âge de 89 ans. Le convoi sortira au 529 rue de Cambuston à Saint-André. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Vivienne à Quartier Français. À 15h, l'inhumation au cimetière de Chambrun à Saint-André. Décès de Monsieur Kabidi Joseph Maxime. Monsieur Kabidi Joseph Maxime, décès survenu samedi dernier à l'âge de 83 ans. Le convoi sortira de son domicile au 11 rue Amiral Bouvet, donc au Jacques à Saint-Joseph. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu à la chapelle des Jacques à 11h. Depuis 11h, donc, l'inhumation au cimetière de Vincent Doux. Décès de Monsieur Técher Jacques Philippe, originaire de l'Entre-deux, retraité de la Sécurité sociale. Monsieur Técher Jacques Philippe, donc de l'Entre-deux, décès survenu hier à l'âge de 66 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima. Et l'inhumation se fera au cimetière de l'Est. Décès de Monsieur Le Goff Gérard dit Gégé. Monsieur Le Goff Gérard dit Gégé, décès survenu hier à l'âge de 73 ans. Le convoi sortira aujourd'hui du centre funéraire sud de la ligne Paradis. La bénédiction aura lieu à 16h30 en l'église de la salle d'adieu et sera suivie de la crémation. Décès de Monsieur Técher Denis dit René. Monsieur Técher Denis dit René, décès survenu hier à l'âge de 90 ans, ancien entrepreneur au bâtiment, donc à Saint-Joseph. Le convoi sortira du centre funéraire du sud à la ligne Paradis. La bénédiction se fera en l'église de Saint-Joseph. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Joseph. Et le décès de Monsieur Santa Bodia Alex Joseph. Monsieur Santa Bodia Alex Joseph, ancien arbitre professionnel, retraité de la Ligue Grenadine de football, décès survenu hier à l'âge de 69. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima. Aujourd'hui à 16h30, la bénédiction se fera au centre funéraire de Prima. À 16h, l'inhumation au cimetière de Prima. Rayon Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Sudéo qui informe les abonnés de la commune du Tampon que suite à des travaux de renouvellement sur le réseau, mercredi 31 août, la distribution en eau sera interrompue à partir de 8h sur les secteurs suivants. Rue Paul Hermann, rue Général de Gaulle, rue Jules Ferry, le chemin de la Ravine Blanche, la rue Le Juge, rue de la Roseraie, la rue des Frères Lumière, rue Roland-Garros, partie basse, la cité Badamier, cité Kerwegen et les voies adjacentes. La remise en eau se fera dès l'achèvement des travaux. Donc n'oubliez pas, c'est pour ce mercredi 31 août, notamment sur la commune du Tampon. Les collectes de sang de l'EFS, l'établissement français du sang, pour demain, mardi 30 août. Ce sera du côté de Gambert, au portail à Piton-Saint-Leu. C'est de 9h à 13h. Jimmy Rockway sur la première. Dans une minute, le journal avec Antoine Garnier. Juste après votre émission, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Il sera question de l'attaque de requins. Et puis ce soir, ne manquez pas l'émission politique, notamment de Gaël Le Dantec, le député socialiste Jean-Jacques Blody, qui répondra aux questions devant la réunion donc de Gaël Le Dantec entre 18h15 et 19h sur la première. Avec Réunion Première et les midis. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Il va passer une partie de l'après-midi dans le bloc opératoire de l'hôpital Gabriel Martin. Le sauveteur blessé en sauvant le bodyboarder attaqué par un requin samedi à Boucan revient sur cette intervention pour le moins périlleuse. Le reportage exclusif d'Hubert Debeu dès le début de ce journal. Comment faire pour dissuader les surfeurs d'aller à l'eau quand la baignade et les activités nautiques sont interdites? Plusieurs pistes doivent être explorées selon le directeur du cabinet du préfet. Nous l'entendrons. La cour d'assises et une nouvelle session de 3 semaines qui s'ouvre aujourd'hui avec au programme de nombreuses affaires de mœurs. Présentation du procès du jour avec Nadine Bachelot. Et puis à la fin de ce journal, nous reviendrons également sur la 9e journée d'OD1R qui s'est jouée hier et la jeunesse Saint-Pierroise qui reste en tête. C'est du football avec 9 victoires en 9 matchs. Bienvenue sur Réunion Première. Il s'appelle Bernard Babet. Cet homme de 45 ans doit subir une opération qualifiée de délicate par le chirurgien cet après-midi. Maître nageur sauveteur depuis 4 ans, il fait partie de l'équipe qui a sauvé Laurent Chardard, le bodyboarder attaqué par un requin samedi après-midi à Boucan. Une intervention particulièrement périlleuse à cause de la houle qui sévissait. Éjecté du jet ski par une vague, le secouriste s'est blessé en retombant sur l'engin. Il pourrait en conserver des séquelles. Ce matin, sur son lit d'hôpital, il a raconté cette intervention à quelques heures de son opération, un témoignage exclusif recueilli au micro Réunion Première d'Hubert Debeu. Le front recousu sur 10 cm, l'œil au beurre noir, la jambe droite bandée, Bertrand Babeuf est encore marqué de l'opération de sauvetage du jeune surfeur. Il arrive tout de même à plaisanter lorsque